Chapitre 10e, la débâcle. Certes, Don Luis s'attendait à cette éventualité redoutable. Le coup, cependant, parut le prendre au dépourvu et il répéta plusieurs fois « Ah, Weber est là, Weber est là !» Tout son élan se brisait contre cet obstacle, comme une armée en fuite et presque libérée qui se heurterait aux pentes abruptes d'une montagne. Weber était là, c'est-à-dire le chef, le maître des ennemis, celui qui organiserait l'attaque et la résistance de telle façon qu'il n'y avait plus rien à espérer. Weber, à la tête de ses agents, c'eût été absurde que de tenter le passage de vive force. « Vous lui avez ouvert ? » demanda-t-il. « Monsieur ne m'avait pas donné l'ordre de ne pas ouvrir. Il est seul ? Non, monsieur, le sous-chef est accompagné de 6 hommes qu'il a laissés dans la cour. Et lui ? » ?»« Le sous-chef a voulu monter au premier étage. » Il croyait trouver monsieur dans son cabinet de travail. Il croit maintenant que je suis avec monsieur Mazeroux et mademoiselle Levasseur. Oui, monsieur. Perrina réfléchit un instant et reprit. Dites-lui que vous ne m'avez pas trouvé et que vous allez me chercher dans l'appartement de mademoiselle Levasseur. Peut-être vous accompagnera-t-il, tant mieux. Il referma la porte. La tempête qui venait de le secouer n'avait laissé aucune trace sur son visage. Et maintenant qu'il fallait agir et que tout était perdu, il recouvrait cet admirable sang-froid qui ne l'abandonnait jamais aux minutes décisives. Il s'approcha de Florence. Elle était très pâle et elle pleurait silencieusement. Il lui dit « Il ne faut pas avoir peur, mademoiselle. Si vous m'obéissez aveuglément, il n'y a rien à craindre. » Comme elle ne répondait pas, il vit qu'elle se méfiait toujours et il pensa, presque avec joie, qu'il l'obligerait à croire en lui. « Écoutez-moi, » dit-il à Sauvran, « au cas possible, après tout, où je ne réussirai pas, il y a plusieurs points encore qu'il me faut éclaircir. »« Lesquels ?» fit Sauvran, dont le calme ne s'était pas démenti. Alors, contraignant à l'ordre et à la discipline les idées qui s'entrechoquaient dans son cerveau, posément, afin de ne rien oublier et de ne dire cependant que les mots essentiels, Don Luis demanda. « Le matin du crime, » tandis qu'un homme porteur d'une canne d'ébène et répondant à votre signalement pénétrait dans le café du Pont-Neuf à la suite de l'inspecteur Véro, où étiez-vous ? Chez moi. Vous êtes sûr de n'être pas sorti ? Absolument sûr. Et sûr également de n'avoir jamais dit au café du Pont-Neuf, dont j'ignorais même l'existence. Bien. Autre chose. Pourquoi, lorsque vous avez eu connaissance de toute cette affaire, pourquoi ne vous êtes-vous pas rendu chez le préfet de police ou chez le juge d'instruction ? Il eût été plus simple de vous livrer et de dire l'exacte vérité plutôt que d'engager cette lutte inégale. Je fus sur le point d'agir ainsi, mais tout de suite je compris que la machination ourdie contre moi était si habile que le simple récit de la vérité ne suffirait pas à convaincre la justice. On ne m'eût pas cru. Quelle preuve pouvais-je fournir ? Aucune. Tandis qu'au contraire, les preuves qui nous accablaient étaient de celles auxquelles on ne peut pas répondre. L'empreinte de ses dents, ne démontrait-elle pas la culpabilité certaine de Marianne ? Et d'autre part, mon silence, ma fuite, le meurtre de l'inspecteur principal Anceny, n'était-ce pas autant de crimes ? Non. Pour secourir Marianne, il fallait rester libre. Mais elle eût pu parler, elle. Raconter notre amour ? Outre qu'une pudeur toute féminine a dû l'en empêcher, à quoi cela eût-il servi ? C'était au contraire donner plus de force à l'accusation. Et c'est justement ce qui arriva le jour où les lettres d'Hippolyte Fauville, jetés dans le débat, une à une, révélèrent à la justice le motif encore inconnu des crimes que l'on nous imputait. Nous nous aimions. Ces lettres, comment les expliquez-vous ? Je ne les explique pas. Nous ignorions la jalousie de Fauville. Il la tenait secrète. Et d'autre part, pourquoi se défiait-il de nous ? Qui a pu lui mettre dans la tête que nous voulions le tuer ? D'où proviennent ces terreurs, ces cauchemars ? Mystère. Il possédait des lettres de nous, a-t-il écrit. Quelles lettres ? Et les empreintes des dents, ces empreintes qui furent incontestablement laissées par Madame Fauville, je ne sais pas, tout cela est incompréhensible. Vous ne savez pas non plus ce qu'elle a pu faire à la sortie de l'opéra entre minuit et 2 heures du matin. Non. Il est évident qu'elle a été attirée dans un piège, mais comment, par qui, et pourquoi ne dit-elle pas ce qu'elle a fait ? Mystère. Ce soir-là, le soir du crime, vous avez été remarqué à la gare d'Auteuil, qui faisiez-vous ? J'allais sur le boulevard Suchet et je suis passé sous les fenêtres de Marianne. Rappelez-vous que c'était un mercredi. J'y suis revenu le mercredi d'après, et toujours ignorant du drame et de l'arrestation de Marianne, j'y suis revenu le deuxième mercredi, le soir précisément où vous avez découvert mon domicile et où vous m'avez dénoncé au brigadier Mazeroux. Autre chose, connaissiez-vous l'héritage Mornington? Non, et Florence non plus, et nous avons tout lieu de penser que Marianne et que son mari ne le connaissaient pas davantage. Cette grange de Formigny, c'était la première fois que vous y entriez? La première fois, et notre stupeur devant les deux squelettes accrochés à la poutre fut égale à la vôtre. Don Louis se tut. Il chercha quelques secondes encore s'il n'avait pas une autre question à poser, puis il dit « C'est tout ce que je voulais savoir. De votre côté, êtes-vous sûr que toutes les paroles nécessaires aient été prononcées ?»« Oui. » »« La minute est grave. Il est possible que nous ne puissions pas nous revoir. Or, vous n'avez donné aucune preuve de vos affirmations. Je vous ai donné la vérité. Un homme comme vous, la vérité suffit. Pour moi, je suis vaincu. J'abandonne la lutte. Ou plutôt, je me soumets à vos ordres. Sauvez Marianne. » Je vous sauverai tous les trois, fit Perenna. C'est demain soir que doit apparaître la quatrième des lettres mystérieuses, ce qui nous donne tout le temps nécessaire pour nous concerter et pour étudier l'affaire à fond. Et demain soir, j'irai là-bas, et avec les nouveaux éléments de vérité que nous aurons réunis, je trouverai la preuve de votre innocence à tous trois. L'essentiel, c'est d'assister à cette réunion du 25 mai. Ne pensez qu'à Marianne, je vous en supplie. Sacrifiez-moi s'il le faut. Sacrifiez même Florence. Je parle en son nom comme au mien, en vous disant qu'il vaut mieux nous abandonner que de compromettre la plus petite chance de réussite. Je vous sauverai tous les trois, répéta Don Luis. Il entrebâilla la porte et, après avoir écouté, il leur dit « Ne bougez pas. » Et n'ouvrez à personne, sous aucun prétexte, avant que je ne vienne vous rechercher. D'ailleurs, je ne tarderai pas. » Il referma la porte à double tour et descendit au premier étage. Il n'éprouvait pas cette allégresse qui le soulevait d'ordinaire aux approches des grandes batailles, car l'enjeu de celle-ci, c'était Florence, et les conséquences d'une défaite lui semblaient pires que la mort. Par la fenêtre du palier, il avisa les agents qui gardaient la cour. Il en compta six. Et il avisa aussi, à l'une des fenêtres de son cabinet de travail, le sous-chef qui surveillait la cour et se tenait en communication avec ses agents. « Bigre, pensa-t-il, il est resté au poste. Ce sera dur. Il se défie. Enfin, allons-y. » Il traversa le premier salon et gagna son cabinet de travail. Weber l'aperçut, les deux ennemis étaient l'un devant l'autre. Il y eut quelques secondes de silence avant que le duel ne s'engageât. Duel qui ne pouvait être que rapide, serré, sans la moindre défaillance et sans la moindre distraction. En 3 minutes, il fallait que ce fût terminé. La figure du sous-chef exprimait une joie mêlée d'inquiétude. Pour la première fois, il avait la permission, il avait l'ordre, de combattre ce Don Luis maudit, contre lequel sa rancune n'avait jamais pu s'assouvir. Et cela, c'était une volonté d'autant plus grande qu'il avait tous les atouts en main, et que Don Luis, en défendant Florence Levasseur et en maquillant le portrait de la jeune fille, s'était mis dans son tort. Mais d'autre part, Weber n'oubliait pas que Don Luis n'était autre qu'Arsène Lupin, et cette considération lui inspirait un certain malaise. Visiblement, il pensait « La plus petite gaffe, et je suis réglé. » Il engagea le fer en plaisantant. « D'après ce que je vois, vous n'étiez pas dans le pavillon de Mademoiselle Levasseur, comme le prétendait votre domestique. » « Mon domestique a parlé selon mes instructions. J'étais dans ma chambre, là au-dessus. Mais avant de descendre, je voulais en finir. » « Et c'est fait. »« C'est fait. Florence Levasseur et Gaston Sauvran sont chez moi, ficelés et bâillonnés. Vous n'avez qu'à en prendre livraison. »« Gaston Sauvran ?» s'écria Weber. « C'était donc bien lui qu'on avait entré ?»« Oui, il habitait tout simplement chez Florence Levasseur, dont il est l'amant. »« Ah ah !» dit le sous-chef d'un ton goguenard, son amant. Oui, et quand le brigadier Mazeroux a fait venir Florence Levasseur dans sa chambre pour l'interroger loin des domestiques, Sauvran, prévoyant l'arrestation de sa maîtresse, a eu l'audace de nous rejoindre. Il voulait l'arracher à nos mains. Et vous l'avez maté? Oui. Il était clair que le sous-chef ne croyait pas un seul mot de l'histoire. Il savait, par M. Desmalions et par Mazeroux, que Don Luis aimait Florence. Et Don Luis n'était pas homme à livrer, même par jalousie, une femme qu'il aimait. Il redoubla d'attention. « Voilà de la bonne besogne. Conduisez-moi dans votre chambre. La lutte a été dure ? Pas trop. J'ai pu désarmer le bandit. Mazrou, cependant, était atteint au pouce d'un coup de poignard. Rien de sérieux ? Oh non, il est allé se faire soigner à la pharmacie voisine. Le sous-chef s'arrêta, très surpris. Comment ? Mazrou n'est pas avec les deux prisonniers dans votre chambre ? Je ne vous ai jamais dit qu'il y fut. Mais votre domestique ? Mon domestique a commis une erreur. Mazrou est sorti quelques minutes avant votre arrivée. C'est bizarre, dit Weber en observant Don Luis. Tous mes agents le croient ici. Ils ne l'ont pas vu sortir. Ils ne l'ont pas vu sortir ? Répéta Don Luis affectant l'inquiétude. Mais alors où serait-il ? Il m'a pourtant bien dit qu'il vous laisse faire penser. Le sous-chef se défiait de plus en plus. Évidemment, Perena voulait se débarrasser de lui en l'envoyant à la recherche du brigadier. Je vais dépêcher un de mes agents. La pharmacie est proche ? À côté, rue de Bourgogne. D'ailleurs, on peut téléphoner. Ah, on peut téléphoner, murmura le sous-chef. Il n'y comprenait plus rien. Il avait l'air d'un homme qui ne sait pas ce qui va lui tomber sur la tête. Lentement, il se dirigea vers le téléphone, tout en barrant la route à Don Luis de façon à ce qu'il ne pût s'échapper. Don Luis recula donc jusqu'à l'appareil, comme si on l'y avait forcé, d'une main décrocha le récepteur et, tandis qu'il appelait, « Allô, allô, Saxe 2409 ?» De l'autre main, appuyé contre le mur, il coupait un des fils à l'aide d'une petite pince qu'il avait eu soin de prendre sur la table. « Allô ? Le 2409 ? C'est le pharmacien ? Allô ? Le brigadier Mazrou de la Sûreté est chez vous, n'est-ce pas ? Hein, quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Mais c'est horrible. Vous êtes certain ? La blessure est empoisonnée ?» D'un mouvement irréfléchi, le sous-chef poussa Don Luis, qui fut ainsi, comme il l'avait voulu, rejeté contre la boiserie et au-dessous même du rideau de fer. Weber empoigna le récepteur. Cette idée de la blessure empoisonnée le bouleversait. « Allô, allô ? » cria-t-il en surveillant Don Luis et en lui ordonnant d'un geste de ne pas s'éloigner. « Allô ? Eh bien quoi ? Je suis le sous-chef Weber de la Sûreté. Allô ? Ainsi, le brigadier Mazrou. Allô ? Mais parlez donc, crédieux ! » Brusquement, il lâcha l'appareil, regarda les fils, aperçut la coupure et, se retournant, montra un visage qui exprimait très nettement cette pensée. « Ça y est, je suis roulé. » Perena se tenait à trois pas en arrière de lui, nonchalamment appuyé contre la boiserie de la baie et sa main gauche passée entre son dos et cette boiserie. Il souriait. Il souriait avec gentillesse, avec une bonhomie cordiale. « Bouge pas !» dit-il en lui faisant signe de la main droite. Weber ne bougea pas, plus effrayé par ce sourire qu'il ne l'eût été par des menaces. « Bouge pas !» répéta Don Luis d'une voix ineffable. « Et surtout ne crains rien, il n'y aura pas de bobo. 5 minutes seulement de cache noir pour le petit garçon qui n'a pas été sage. Tu es prêt ? 1, 2, 3, crac !» Il s'effaça un peu et pressa du doigt le bouton qui commandait le rideau de fer. La lourde plaque tomba, le sous-chef était prisonnier. « 200 millions qui tombent !» ricana Don Luis. « Le coup est joli, mais un peu cher. Adieu l'héritage Mornington, adieu Don Luis Perena. » Et maintenant, brave Lupin, si tu ne veux pas que Weber prenne sa revanche, fiche le camp, en bon ordre. Une deux, paille, foin. Tout en parlant, il fermait à clé, de l'intérieur, la porte à deux battants qui donnait du premier salon sur l'antichambre du premier étage. Puis, revenant dans son cabinet de travail, il fermait la porte qui donnait de cette pièce dans le salon. À ce moment, le sous-chef frappait le rideau de fer à coups redoublés, et appelait de telle façon que l'on devait l'entendre de dehors par la fenêtre ouverte. « Vous ne faites pas encore assez de bruit, sous-chef !» cria Don Luis. Il prit son revolver et tira 3 balles dont une cassa l'un des carreaux. Puis, rapidement, il sortit de son cabinet de travail par une petite porte massive qu'il ferma soigneusement à clé. Il se trouvait dans un couloir de dégagement qui contournait les deux pièces et aboutissait à une autre porte donnant sur l'antichambre. Il ouvrit cette autre porte toute grande et put ainsi se cacher derrière le battant. Déjà, attirés par les détonations et par le bruit, les agents envahissaient le vestibule et l'escalier. Quand ils arrivèrent au premier étage et qu'ils eurent traversé l'antichambre, la porte du salon étant close, une seule issue s'offrait à eux, le couloir. Le couloir au bout duquel retentissaient les appels du sous-chef. Ils s'y engouffrèrent tous les 6. Lorsque le dernier eut disparu après le tournant, Don Luis rabattit doucement la porte qui le dissimulait et la ferma comme les autres. De même que le sous-chef, les 6 agents étaient prisonniers. « Embouteillés, » murmura Don Luis. « Il leur faudra bien 5 minutes pour se rendre compte de la situation, pour se cogner aux portes closes et pour en démolir une. Dans 5 minutes, nous serons loin. » Il rencontra 2 de ses domestiques qui accouraient, effarés, le chauffeur et le maître d'hôtel. Il leur jeta 2 billets de 1 000 francs et dit au chauffeur « Mets le moteur en marche, l'artiste, et personne autour de la voiture pour me barrer le chemin. 2 000 francs de plus à chacun si je peux prendre de l'argent en auto. Mais oui, c'est comme ça. Ne faites pas cette tête d'abruti. 2 000 francs, c'est à vous de les gagner. Au galop, messieurs. » Lui-même, sans trop se presser, toujours maître de lui, escalada le second étage. Mais aux dernières marches, une telle joie le secouait qu'il s'exclama « Victoire, la route est libre !» La porte de la petite pièce se trouvait en face. Il l'ouvrit en répétant « Victoire, mais pas une seconde à perdre, suivez-moi !» Il entra. Un juron s'étrangla dans sa gorge. La pièce était vide. « Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Ils sont partis, Florence ?» Certes, si invraisemblable que fût l'hypothèse, il avait supposé jusqu'ici que Sauvran possédait une fausse clé de la serrure. Mais comment avaient-ils pu s'enfuir tous deux au milieu des agents? Il regarda autour de lui, et tout de suite il comprit. Dans le renfoncement où se trouvait la fenêtre, la partie basse du mur, qui formait comme un coffre très large au-dessous de la croisée, avait sa boiserie supérieure soulevée et appuyée contre les carreaux, précisément comme le couvercle d'un coffre. Et à l'intérieur du coffre ouvert, on apercevait les premiers échelons d'un escalier à claire-voie, très étroit, et qui descendait. En une seconde, Don Luis évoqua toute l'aventure d'autrefois. L'aïeul de son prédécesseur, le comte Malonesco, caché dans le vieil hôtel de la famille, échappant aux recherches des perquisiteurs et vivant ainsi durant la tourmente révolutionnaire. Tout s'expliquait. Un passage, pratiqué dans l'épaisseur même du mur, conduisait à quelque issue lointaine. Et c'est ainsi que Florence allait et venait à travers l'hôtel et que Gaston Sauvran entrait et sortait en toute sécurité. Et c'est ainsi que l'un et l'autre pouvaient pénétrer dans sa chambre et surprendre ses secrets. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» se demanda-t-il. « Un reste de défiance, sans doute. » Mais sur la table, un papier attira ses yeux. D'une main fébrile, Gaston Sauvran avait tracé ses lignes. « Nous tentons de fuir pour ne pas vous compromettre. Si nous sommes pris, tant pis. L'essentiel, c'est que vous soyez libre. Tout notre espoir est en vous. » Sous ces lignes, il y avait 2 mots, écrits par Florence, « Sauvez Marianne. »« Ah !» murmura-t-il, déconcerté par ce dénouement, et ne sachant à quelle décision s'arrêter. « Pourquoi ne m'ont-ils pas obéi? Nous voilà séparés maintenant. » En bas, les policiers démolissaient la porte du couloir où ils étaient emprisonnés. Avant qu'ils n'eussent réussi, peut-être avait-il encore le temps de gagner son auto. Néanmoins, il préféra suivre le même chemin que Florence et que Sauvran, ce qui lui donnait l'espoir de les retrouver et de les secourir en cas de péril. Donc, enjambant le rebord du coffre, il mit le pied sur l'échelon supérieur et descendit. Une 20aine de barreaux le conduisirent au milieu du 1er étage. Là, à la lueur de sa lanterne électrique, il s'engagea dans une sorte de tunnel en voûte très bas, creusé, comme il le pensait, dans la muraille, et si peu large que l'on ne pouvait avancer qu'en tenant les épaules de biais. 30 mètres plus loin, il eut un coude à angle droit, puis, au bout d'un autre tunnel, aussi long, une trappe qui était ouverte et où apparaissaient les échelons d'un autre escalier. Il ne douta pas que les fugitifs n'eussent passé par là. En bas, une clarté l'accueillait. Il se trouvait dans un placard également ouvert, et que des rideaux, actuellement écartés, devaient recouvrir en temps ordinaire. Ce placard dominait un lit qui remplissait presque l'espace d'une alcôve. Après avoir franchi l'alcôve et gagné la pièce, dont elle n'était séparée que par une cloison, à son grand étonnement, il reconnut le salon de Florence. Cette fois, il savait. L'issue, non pas secrète, puisqu'elle aboutissait à la place du palais Bourbon, mais très sûre, cependant, était celle dont Sauvran usait d'habitude lorsque Florence l'introduisait chez elle. Il traversa donc l'antichambre, descendit quelques marches, et un peu avant l'office, dégringola l'escalier qui menait aux caves de l'hôtel. Dans l'ombre, la porte basse, qui servait au passage des barricades, se reconnaissait à un petit judas grillagé par où filtrait le jour. À tâtons, il trouva la serrure. Tout heureux d'arriver enfin au terme de son expédition, il ouvrit. « Crénom d'un chien » gronda-t-il en sautant en arrière et en se cramponnant à la serrure qu'il réussit à refermer. Deux agents de police en uniforme gardaient la sortie, deux agents qui, à son apparition, avaient voulu se jeter sur lui. D'où venaient-ils ces deux hommes-là? Avaient-ils empêché l'évasion de Sauvran et de Florence? Mais alors, en ce cas, Don-Louis sut rencontrer les deux fugitifs, puisqu'ils avaient suivi exactement le même chemin. « Non, » pensa-t-il, « la fuite a eu lieu avant que la sortie ne fût surveillée. Mais fichtre, c'est à mon tour de déguerpir, et ce n'est pas commode. Vais-je me faire pincer au gîte comme un lapin ?» Il remonta l'escalier de la cave, avec l'intention de brusquer les choses, de se glisser dans la cour d'honneur par les couloirs des communs, de sauter dans son auto et de forcer le passage. Mais lorsqu'il fut sur le point d'arriver à la cour, près de la remise, il aperçut quatre agents de la sûreté, de ceux qu'il avait emprisonnés, et qui survenaient en gesticulant et en criant. Et il se rendit compte en outre que tout un tumulte s'élevait du côté de la grande porte et du pavillon des concierges. De nombreuses voix d'hommes s'entrechoquaient, en disputaient violemment. Peut-être y avait-il là une occasion dont il pouvait profiter pour se faufiler dehors à la faveur du désordre. Au risque d'être aperçu, il avança la tête. Et le spectacle qui s'offrit à ses yeux le stupéfia. Entouré d'agents de police et d'agents de la sûreté, bloqué contre le mur, insulté, bousculé, Gaston Sauvran était là, le cabriolet de fer au poignet. Gaston Sauvran, prisonnier. Quel drame avait donc pu se jouer entre les deux fugitifs et la police? Le cœur étreint d'angoisse, il se pencha davantage, mais il ne vit pas Florence. Sans doute, la jeune fille avait dû réussir à se sauver. L'apparition de Weber sur le perron et les paroles du sous-chef confirmèrent son espoir. Weber était foudrage. La captivité, l'humiliation de la défaite l'exaspéraient. « Ah ! » proféra-t-il en apercevant le prisonnier. « En voilà toujours un ! Gaston Sauvran, du gibier de choix. Où l'avez-vous pigé, celui-là, les amis ?»« Sur la place du palais Bourbon, » dit l'un des inspecteurs. « On l'a vu qui fichait le camp par la porte de la cave. » « Et sa complice, la fille Levasseur ?»« On l'a ratée, chef, elle était partie de la première. »« Et Don Luis, on ne l'a pas laissé sortir de l'hôtel, hein ? J'avais donné la consigne. »« Il a voulu aussi sortir par la porte de la cave, 5 minutes après. »« Qui vous l'a dit ? Un des agents de police placé devant cette porte. »« Eh bien, le type est rentré dans la cave. » Weber poussa un cri de joie. « Nous le tenons !»« Et c'est une sale affaire pour lui. Rébellion contre la police !» « Complicité. Enfin, on va pouvoir le démasquer. Taillot, taillot, les enfants. 2 hommes pour garder Sauvran. 4 hommes sur la place du palais Bourbon, le revolver au poing. 2 hommes sur les toits, les autres avec moi. Commençons par la chambre de la fille Levasseur. Et puis sa chambre à lui. En chasse, les enfants. » Don Luis n'attendit pas la ruée des agresseurs. Renseigné sur leurs intentions, il battit en retraite, sans avoir été aperçu, vers l'appartement de Florence. Là, comme Weber ne connaissait pas encore le chemin direct qui passait à travers les communs, il eut le temps de constater que le mécanisme de la trappe fonctionnait fort bien, et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'on découvrît, au fond de l'alcôve et derrière les rideaux du lit, l'existence d'un placard secret. Une fois entré dans le passage, il remonta le premier escalier, suivit le long corridor pratiqué à l'intérieur du mur, escalada l'échelle qui aboutissait à son boudoir, et s'étant rendu compte que cette seconde trappe s'adaptait si exactement à la boiserie qu'on ne pouvait rien soupçonner, il la referma sur sa tête. Quelques minutes après, il entendit au-dessus de lui le tumulte des hommes qui perquisitionnaient. Ainsi donc, le 24 mai, à 5 heures de l'après-midi, voici quelle était la situation. Florence Levasseur sous le coup d'un mandat d'arrêt, Gaston Sauvran en prison, Marianne Fauville en prison et refusant toute nourriture. Et Don Luis, qui croyait à leur innocence et qui seul aurait pu les sauver, Don Luis était bloqué dans son hôtel et traqué lui-même par 20 agents de police. Quant à l'héritage Mornington, il n'en pouvait plus être question puisqu'à son tour, le légataire venait de se mettre en rébellion ouverte contre la société. À merveille! Ricana Don Luis. Voilà la vie telle que je la comprends. La question est simple et s'énonce de diverses façons. Comment un pouilleux qui n'a pas un sou dans sa poche peut-il faire fortune en 24 heures sans sortir de son bouge? Comment un général qui n'a plus de soldats ni de munitions peut-il gagner une bataille qu'il a perdue? Bref, comment moi, Arsène Lupin, réussirais-je à assister demain soir à la réunion du boulevard Suchet et à m'y comporter de telle manière que je sauverais Marianne Fauville, Florence Levasseur, Gaston Sauvran et par-dessus le marché, mon excellent ami Don Luis Perena? Des coups sourds retentissaient quelque part. On devait chercher sur les toits. On devait interroger les murailles. Don Luis s'étendit sur le sol à plat ventre, cacha sa figure entre ses bras croisés et, fermant les yeux, murmura « Réfléchissons.